Les catégories des signes de l'heure. Les signes précurseurs de l'heure se divisent en deux catégories, les petits signes de la fin des temps et les grands signes. Les petits signes. Ce sont ceux qui précèdent l'heure sur une échelle de temps assez longue concernant les choses ordinaires telles que la disparition de la science, l'apparition de l'ignorance, la consommation du vin et la concurrence dans l'élévation des constructions. Certains peuvent se produire en même temps que les grands signes, voire même après. Les grands signes. Il s'agit d'événements graves qui apparaîtront à la proximité de la venue de l'heure. Ce sont des événements inattendus, tels que l'apparition du faux Messie, la descente de Isa alayhi salam, la sortie de Ya'juj et Ma'juj, et le lever du soleil de son couchant. Certains savants ont divisé les signes de l'heure en fonction de leur apparition en trois catégories. Une partie apparue et terminée. Une partie apparue mais qui ne cesse de se suivre et de se multiplier. Et une partie qui n'est pas encore apparue. Quant aux deux premières catégories, il s'agit de petits signes de la fin des temps. Pour ce qui est de la troisième catégorie, elle concerne les grands signes et certains petits signes. Les petits signes de l'heure. Les petits signes qui ont été cités par les savants sont très nombreux. Je cite ici ce qui est certifié dans la Sunna comme étant un petit signe, en délaissant, dans les limites de ma connaissance, ce qui n'est pas garanti. Après analyse de ces hadiths et prise en compte de l'avis des savants quant à l'authenticité ou la faiblesse de ceux-ci. Il se peut que certains signes soient confirmés, mais dont je n'ai trouvé aucun hadith les attestant. J'ai énuméré ces signes sans ordre, car je n'ai trouvé aucun hadith soulignant un ordre chronologique. J'ai d'abord cité ce que les savants ont jugé s'être produit et terminé, puis j'ai essayé tant que possible de citer le reste des signes en faisant précéder les événements susceptibles de se produire avant d'autres. Par exemple, l'apparition des troubles précède la disparition de la science, car les troubles sont apparus du temps des compagnons, radiallahu anhum. Le combat contre les Romains précède la conquête de Constantinople, car l'information prouve cela. Mais la conquête de Constantinople précède le combat contre les Juifs qui aura lieu au temps de Isa, alayhi salam. Car la conquête se fera avant l'apparition du faux Messie et la descente de Isa, alayhi salam, aura lieu après l'apparition du faux Messie et ainsi de suite. Toutefois, certains signes requièrent d'être cités à la fin, car ils n'apparaîtront qu'après les grands signes, comme la destruction de la Kaaba par les Abyssins et l'apparition du vent qui saisira les âmes des croyants. Il faut savoir que la plupart des signes ont commencé à apparaître du temps des compagnons, radiallahu anhum. Ils sont en croissance et se multiplient à certains endroits en dehors d'autres. Cela se consolidera avant la venue de l'heure. Ainsi, la disparition de la science, par exemple, ne sera accompagnée que par l'ignorance absolue, ce qui n'empêchera pas toutefois l'existence d'un groupe de savants, car ils seront à ce moment insignifiants en comparaison au nombre d'ignorants. Cela s'applique aux autres signes de la fin des temps. Il est important de souligner que certains comprennent que la chose qui figure parmi les signes de la fin des temps signifie qu'elle soit blâmable ou interdite. Une telle règle n'est pas acceptée. En effet, toute chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé faisant partie des signes de l'heure n'est pas interdite ou blâmable. Ainsi, la concurrence des bergers dans l'élévation des constructions, la profusion des fortunes et le fait que 50 femmes n'auront qu'un seul homme pour se charger d'elles n'est aucunement interdit, sans le moindre doute. Ce sont bien des signes, mais être un signe n'exige rien de cela. Ce peut être un bien ou un mal, une chose permise, interdite, obligatoire ou autre chose encore, et Allah est plus savant. Il est temps à présent de citer les petits signes de la fin des temps.